Au sport, le 10 janvier. Au hockey mineur, dans la Ligue Simplette Alfred-Saint-François, l'équipe Atome A des Sharks du Haut-Saint-François visite Club Piscine Sherbrooke à Rock Forest à 14h15. L'équipe Pee-Wee A reçoit l'équipe de Quaticook à Istengis à 15h. L'équipe Bantam A accueille Magog à 16h15. L'équipe Midget A est à Quaticook pour affronter les Frontaliers à 20h. L'équipe Midget B reçoit Frontalier 1 à 17h45. Le 11 janvier, au hockey mineur dans la Ligue Simplette Alfred-Saint-François, l'équipe Novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Metro Plouf Sherbrooke à l'Arena Distinguis à 13h30. L'équipe Novice B est à Florimont pour affronter Metro Plouf Sherbrooke à 9h15. L'équipe Novice C est également à Florimont pour affronter Thibault GM Sherbrooke 2. Le match a lieu à 11h45. L'équipe Pee-Wee A se mesure à Hockey Expert Sherbrooke 2 à l'Arena Eugène Lalonde à 17h15.